mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oui, monsieur le juge, la vérité est en marche vers le château du Glandier. Ah, c'est une belle affaire, monsieur le Marquet, une très belle affaire. Obscure, mon jeune ami, incroyable, insondable, surprenante. J'irai plus loin, je dirais que l'affaire est inexplicable. Je ne crains qu'une chose, monsieur Rouletabille. Ah oui, quoi donc ? Que les journalistes se mêlent à n'importe quel prix de la vouloir expliquer. Ah, comme vous avez raison, c'est en effet à craindre, les journalistes se mêlent de tout, c'est bien connu. En ce qui me concerne, monsieur le juge, je vous parle de tout ça uniquement parce que le hasard m'a mis sur votre chemin, dans votre compartiment, pour ainsi dire. N'est-ce pas, maître Ridindo ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et peut-on vous demander où vous vous rendez présentement ? Au château du Glandier. Quoi ? Au château du Glandier ? Oui, oui, j'avais compris. Allons, non, ça c'est impossible. C'est absolument impossible, vous ne pourrez pas entrer. Mais comme, ne me dites pas que vous comptez vous y opposer, monsieur le juge. Ah, moi, oh non, pas une seconde. Ah. J'aime trop les journalistes et la presse pour leur être désagréable ou quoi que ce soit. Mais le professeur Stangerson a condamné sa porte à tout le monde. Et elle est bien gardée. Pas un journaliste n'a pu encore franchir la grille du Glandier. Bah écoutez, très honnêtement, monsieur le juge, j'aime autant ça. En fait, mon ami Sinclair et moi-même allons au château pour y serrer la main et réconforter notre vieil ami Darzac. Pauvre Robert, n'est-ce pas, Sinclair ? Ah oui, oh, pauvre Robert. Il aimait tant Mathilde Stangerson. Oui, sa douleur fait peine à voir. Oh, il faut espérer que mademoiselle Stangerson sera sauvée. Oui, il le faut, il le faut. Car compte tenu de l'état d'esprit, du chagrin du professeur, si sa fille devait succomber, je crains bien que lui-même l'attente à ses jours. Mon Dieu. Et ce serait une perte irréparable pour la science. La blessure à la tempe est grave, n'est-ce pas ? Oui, mais pas mortelle. Ah. Et c'est une chance inouïe, car le coup a été porté avec une violence, force. Pardonnez-moi, le coup, ce n'est pas le revolver qui a blessé mademoiselle Stangerson ? Et comme... Non. Je n'ai rien dit, je ne sais rien, je ne peux rien dire de plus. Mais c'est bien normal, monsieur le juge, n'est-ce pas, Sinclair ? Ah oui, alors, tout ce qui est plus normal. Voilà. Toutefois, il y a quelque chose que je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion. Avez-vous lu l'article du matin ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il est absurde, ah, absolument. Pas ? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du... Bah, voyons, mais pas le moins du monde. Mais comment, monsieur le juge, la chambre jaune n'a qu'une fenêtre munie de grilles et dont les barreaux n'ont pas été descellés ? Une porte que l'on enfonce, et malgré cela, on ne trouve pas d'assassin. Oui, Sophie, qu'est-ce que vous faites ? C'est comme ça, et c'est comme ça que se pose la question. Ah, Malène, vous êtes de retour. Asseyez-vous. Une petite question. Mademoiselle Stangerson portait bien ses cheveux en bandeau le soir du drame. Ah non, monsieur Rouletabille, vous êtes dans l'erreur. Ah, comment ça ? Eh oui, pardonnez-moi d'intervenir, monsieur le juge, mais j'étais présent quand vous avez examiné la victime et j'entends encore le légiste vous dire « C'est bien dommage que mademoiselle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté des bandeaux, le coup aurait été amorti. » Oui, c'est Malène, mon greffier. Il est merveilleux, non ? Il a une mémoire de l'effort. Oui, c'est parfaitement exact, en effet. J'ai trop indulgent, vraiment. Et la blessure à la gorge... Ah, si l'assassin avait serré quelques secondes de plus, plus de mademoiselle Stangerson. Monsieur le juge, je vous rends grâce, cette affaire apparaît de plus en plus inexplicable. Et combien y a-t-il d'ouvertures au pavillon, je veux dire, portes et fenêtres ? Cinq. dont la porte du vestibule, qui est la seule entrée du pavillon et qui se trouve automatiquement fermée. Mmh. Elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur ou de l'extérieur que grâce à deux clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et le professeur Stangerson. Donc, reste quatre fenêtres. Ah, parfaitement déduit. Celle de la chambre jaune, les deux du laboratoire et celle du vestibule qui seule donne sur le parc. Et c'est par cette fenêtre que l'assassin a quitté tout naturellement le pavillon. Et comment le savez-vous ? Mais voyons, c'est enfantin. Primo, la porte du vestibule est fermée. Deuxio, les fenêtres sont grillagées. Troisio, si j'ose dire, c'est forcément par ce chemin que l'assassin s'est enfui, c'est QFD. Ne me dites pas, monsieur le juge, que cette pensée ne vous était pas venue. Et... Eh, mais attends, ben, si, bien sûr, ah. Si. Seulement, il y a deux choses que je sais et que vous ne pouvez deviner. Cette fenêtre, la seule à ne point posséder de solides barreaux, comprend par contre des volets de fer inviolables, indestructibles. Or, l'enquête a prouvé que ces volets étaient restés fermés de l'intérieur par le loquet. Et pourtant, nous avons la preuve que le meurtrier s'est en effet enfui par cette fenêtre. Eh bien, c'est tout simplement prodigieux. Mais oui, l'ennui, c'est de posséder les preuves et d'être incapable de les expliquer. Mais comment l'assassin est-il sorti de la chambre jaune? Comment a-t-il pu traverser forcément le laboratoire pour arriver au vestibule? Et enfin, comment est-il sorti par une fenêtre dont les volets sont restés fermés de l'intérieur? Voilà. Voilà, cher monsieur Rouletabille, une affaire hallucinante. Belle, certes, belle, mais hallucinante. Et dont on ne trouvera pas la solution de sitôt. Sauf, si l'on admet que quelqu'un a fermé la fenêtre après le départ de l'assassin. Après la fuite du... Ah oui, évidemment, j'y ai pensé. Mais il faudrait admettre des complicités. Ah oui, ah si mademoiselle Stangerson pouvait parler, sortir de son coma. Et le grenier, monsieur le juge? Ah, un bon point pour vous, monsieur Rouletabille, j'avais oublié. Donc, 6 ouvertures. En effet, il y a une lucarne qui donne sur l'extérieur de la propriété. Ah! Oui, mais elle est également garnie de barreaux. Ah! Donc, pour vous résumer, l'assassin s'est enfui sans que l'on sache comment, mais par la fenêtre du vestibule. En gros, c'est cela. Et tout le pauvre. Je suis tout à fait de cet avis, voyez-vous. C'est encore une chose. Bien sûr, je ne vous demande pas si vous avez trouvé des traces suspectes dans le grenier. Ah non, ça c'est inutile. Aucune trace. Ce qui revient à dire que ce n'est pas l'assassin qui a volé le revolver du père Jacques. Oh, le père Jacques était avec le professeur, ce qui l'innocente. Quant au revolver, on a trouvé 2 balles dans la chambre jaune. L'une dans le mur et l'autre dans le plafond. Comment ? Dans le plafond. Oui, dans le plafond, parfait. Comme c'est curieux. Ah, c'est très curieux, ça. Dans le plafond. Mmh. Comme c'est curieux, dans le plafond. Épinay-sur-Orge. Ah. 3 minutes d'arrêt. Pardon. Épinay-sur-Orge. Votre valise. 3 minutes d'arrêt. Voilà. Épinay-sur-Orge. Messieurs, nous voici rendus. Croyez que j'ai été charmé de votre compagnie, mais le devoir m'appelle. Malène. Je vous suis. Allons-y. Allons-y, pressons-nous, Sinclair. Oui, à bientôt, monsieur le juge. Épinay-sur-Orge. S'il vous plaît, monsieur, combien de temps faut-il pour se rendre au château du Glandier? Ah, le château du Glandier. Oh, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend si vous êtes pressé. Normalement, faut bien compter une bonne heure et demie. Parfait, tenez, voici nos billets. Merci. Mon bon maître, oui. Nous allons faire une charmante promenade, si vous le voulez bien. J'ai absolument besoin de marcher. Ah bah oui, là, évidemment, si vous avez envie de marcher. Alors. Alors, mon petit Joseph, ça se débrouille? Ah, mon ami, je vous trouve d'un optimisme délirant. Il n'y a rien de débrouillé pour l'instant, j'irai même plus loin. Tout me paraît plus embrouillé qu'avant. Heureusement, j'ai tout de même ma petite idée. Oh, Rouletabille sans une petite idée, ce serait tout à fait étonnant. Allez, racontez-moi ça. Désolé, mais je ne peux rien dire pour l'instant. Quoi? Même à moi? Oh, cachotier. Non, ne croyez pas cela, seulement je crains que mon idée ne soit... une question de vie ou de mort. Tant Joseph, vous m'aviez habitué à un humour moins macabre. Oui, pardonnez-moi, Sinclair, mais... C'est pas une plaisanterie? Non, pas le moins du monde. Mais qui serait en danger de mort? Au moins deux personnes. Vous croyez à des complices? Non. Bon, alors, décidément, je ne vous suis plus du tout. Ah, mais ça n'a aucune importance, mon bon Sinclair. Enfin, convenez quand même que le juge de Marquet vous a rendu un fier service. Oui. Enfin, cela dit, vous avez mené l'interrogatoire, alors ça, c'est du grand art. Oh. Ah, si. je m'y connais un peu dans les envolées de manchettes. Là, vous avez fait ça dans le sobre, le quotidien, le vécu. Ça, un grand morceau de comédie. Je ne suis pas mécontent. Et alors, vous avez appris beaucoup de choses? Ben, oui, effectivement. Mon Dieu, pauvre femme. Ah, vous pensez à Mademoiselle Stangerson? Oui. C'est à n'en pas douter un très grand et très noble caractère, tout à fait digne de compassion. Ah, vous la connaissez? Qui ça? Ah, Mademoiselle Stangerson. Ah, mademoiselle, non, pas du tout. Je la connais pas du tout, j'imagine. Alors pourquoi dites-vous que c'est un grand caractère? Parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin. Parce qu'elle s'est défendue avec un grand courage. Et surtout... Oui, surtout? À cause de la balle dans le plafond. Roule-tapis, mon ami, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez choisi 2 heures de footing au lieu d'un fiacre confortable? D'abord par hygiène mentale. Oh. La marche aère l'esprit. Non, qu'est-ce que vous me racontez? Mais la stricte vérité, d'ailleurs, les avocats ne marchent pas assez. Toujours aimable. Et ensuite? Mais ensuite, parce que je voulais que nous profitions de cette marche pour faire ensemble l'inventaire de la situation avant le crime. Avant? Ben oui, il nous faut partir sur des bases solides. Pour l'inventaire après, il est préférable d'attendre d'être au glandier. Or donc, mon bon maître, puisque vous voulez absolument vous occuper de cette enquête avec moi... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que moi, c'est... Mais enfin, c'est... Mais c'est la vérité, vous en mourrez d'envie. Ouf. Et vous savez bien que vous êtes ma mascotte, hein? Vous êtes mon docteur Watson. Non, mascotte, enfin, je serais curieux de savoir où tout ça va nous mener. Oh, de toute évidence, au glandier, mon cher. C'est bien pour ça que je veux vous apprendre qui sont les Stangerson. Les Stangerson? Vous vous moquez de moi, Joseph. Enfin, voyons, je les connais aussi bien que vous. Nous sommes rencontrés à la réception de l'Élysée l'autre soir. Et Robert Darzac, le fiancé de Mathilde Stangerson, est un de mes clients. Et voilà, comme tous les avocats, vous avez réponse à tout et vous ne prouvez rien. On se demande vraiment pourquoi vous m'avez demandé de venir. Vous voulez vraiment le savoir? Ah oui, par exemple. Vous ne serez pas fâché? Non. Là. Eh ben, j'ai horreur de marcher tout seul. Oh, Joseph! Mais vous avez promis de ne pas vous fâcher. Allez, revenez. Et puis, j'ai besoin de vous. Vous connaissez Darzac et j'ai une documentation importante sur les Stangerson. Alors, à nous deux, nous allons faire de l'excellent travail au glandier. Attendez, d'après moi, nous y sommes. Oh, c'est pas vrai. Cette bâtisse isolée en pleine forêt? Oui, dominée par un donjon restauré par Viollet le Duc. Ça confirme assez bien mes renseignements. Tenez, cinq. Regardez la carte. Oui. Ici, à quelques centaines de mètres de la route. Oui, Saint-Geneviève-des-Bois, Montlhéry. Ah, bah oui, château du Glandier, 17e siècle, c'est bien ça. Ah. Eh, ben, ça doit pas être facile à chauffer en plein hiver. Allez, en route. Et vive le sport. Oh, regardez qui vient. Monsieur de Marquet, son merveilleux greffier, la justice est en fiacre. C'est une forme de magistrature assise. Oui, cela dit, nous n'aurions pas mal fait d'en prendre un nous-mêmes. Non, monsieur, la justice suit son cours, l'information prend son temps, mais elle ne se trompe pas. Oh, ouais, monsieur le juge! Eh ben, tout à l'heure, puisque vous ne voulez pas vous arrêter... Vous vouliez dire quelque chose, Sinclair? Oui. On se demande vraiment pourquoi le professeur Stangerson et sa fille sont venus s'enfermer dans ce trou perdu. Enfin, Joseph, vous avouerez qu'une pareille bâtisse perdue au milieu de la forêt, c'est une invitation à tous les désagréments de la Terre. Ils sont combien à vivre là-dedans? Ben, en principe, ils sont 5. Il y a le professeur, sa fille, le père Jacques, et puis les 2 concierges. Et Ils ont tous un logement à part. Oui, mademoiselle Stangerson aussi, d'ailleurs, à sa résidence d'été, puisqu'elle coucha dans le pavillon du laboratoire à 300 mètres du château. C'est une bénédiction pour les voleurs, ça. Une fortune dans un château et un habitant par corps de bâtiment. À cet égard, l'affaire est simple. Oui, mais vous n'oubliez qu'un petit détail. Ah oui ? Ma foi, c'est bien possible, lequel ? C'est que jusqu'à preuve du contraire, rien n'a disparu du château du Glandier. Ça, je vous l'accorde. Et ils ont toujours habité comme ça ? Qui ça ? Bah, les Stangerson. Ah, mon cher maître, vous qui connaissez Robert Darzac, vous devriez le savoir. Oui. Je ne le sais pas. Alors je vous le demande et vous seriez gentil de ne pas m'appeler sans arrêt mon cher maître, alors qu'effectivement je devrais être au palais. Oh, allons, mon cher ami, vous n'allez pas vous fâcher, hein ? Le professeur Stangerson et sa fille habitent le Glandier depuis 15 ans. Et auparavant ? Auparavant, il vivait en Amérique. Le professeur est américain par son père. Il est né de mère française. Ah, bah alors il est américain ? Pas du tout. Ah, bon ? Ah, pas du tout. En dehors de l'exquise galanterie française dont il est vrai qu'elle se perd d'année en année, avez-vous déjà entendu parler de la galanterie américaine ? Ah non, ça j'avoue que ça m'a échappé. Mais c'est un tort. Pour épouser une Française, le père du professeur Stangerson a adopté la nationalité de sa femme. Ah, nous avons gagné un grand savant. Mariage d'argent. Délicat poète. Vous avez vu mademoiselle Stangerson ? Ben comme vous, oui. Eh ben c'est, paraît-il, tout le portrait de sa grand-mère. Cette beauté vaut bien un passeport, sans doute. L'avocat, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ouais. Bon, je vous écoute. Donc le professeur Stangerson, français, vivant en Amérique, y acquiert une très grande célébrité. Ah oui, sa fameuse étude de la matière fissible par bombardement électrique. C'est ça même. C'est un ouvrage passionnant et qui a déchaîné les protestations de tous les savants du monde. Vous connaissez bien sûr tous les procès qui ont fait suite à l'apparition du livre. Ah, mais Stangerson les a tous gagnés. Ou alors disons qu'il en gagne beaucoup, les autres se sont soldés par des transactions amiables, mais enfin tous lui ont rapporté beaucoup d'argent. Oui, et ça aide. Enfin, ça aidait. D'autant que Stangerson ne possédait aucune fortune personnelle. Il se considérait au service de l'humanité. Alors voyez-vous, l'argent des procès lui est apparu comme une fortune inespérée, lui assurant la tranquillité jusqu'à la fin de ses jours. Au château du Glandier. Oui, voilà. Et c'est à cette époque que le père et la fille sont rentrés en France et ont acheté le Glandier. Ils s'y sont installés. C'est quand même malheureux d'enfermer là-dedans une beauté de 20 ans qui, à 35 ans, est encore jeune fille, et qui ne demandait qu'à s'épanouir. Oh, qui ne demandait qu'à s'épanouir. Oh, ce qui me déplaît, mon cher, c'est que vous vous exprimez toujours à la perfection. Ah, la faculté tout de même. Ça laisse des traces, hein. Joseph, c'est du venin, ça. Non, c'est de l'humour. Ah bon. Bon, soyons sérieux, pour en revenir à Mathilde Stangerson, tout le monde l'a eu à l'époque et même par la suite. Exactement la même réaction que vous. Il ressort de toute cette histoire un égoïsme forcené de la part du père. Oui, on a dit ça aussi. Et puis, on s'est aperçu que c'était Mathilde qui avait exigé d'abord l'achat du Glandier. Malgré sa situation isolée ? À cause de sa situation isolée. Ah oui. Et elle a exigé ensuite de rester la principale collaboratrice de son père. Enfin, Joseph, elle ne sort pas. Elle ne voit personne. C'est pas naturel. Et elle est présente aux côtés de son père dans toutes les manifestations officielles. Comme la dernière fois à l'Élysée, enfin c'est étrange. Oui, et bien dommage, je suis d'accord avec vous. Et alors, Robert Darzac ? Oh, c'est pas moi qui vais vous apprendre que Darzac est depuis 20 ans le bras droit de Stangerson. Il collaborait déjà en Amérique avec le professeur. Bien sûr. Et de ce fait, il était absolument normal que Darzac finisse par tomber amoureux de la jolie Mathilde. Ben, que voulez-vous ? On peut être de science, on n'en est pas moins homme. Et vous croyez qu'elle l'aime ? Bah, écoutez, Darzac n'a aucune position sociale, ne possède pas de fortune personnelle. Si Mathilde l'épouse, je ne vois vraiment pas d'autre raison que l'amour. Alors pourquoi a-t-elle attendu 7 ans avant de se décider à sauter le pas ? Parce que moi, je peux vous affirmer que depuis 7 ans, Darzac se consume d'amour pour elle. Oui, je le sais, je suis au courant et c'est même curieux, c'est très curieux, car au fond, il est libre. Mmh. Il est libre, ils travaillent ensemble sous la conduite de Stangerson, a priori. Mais je peux même ajouter que pendant 7 ans, Mathilde a refusé catégoriquement d'épouser Darzac. Robert n'a rien d'un lausin, un séducteur fougueux, il s'est résigné. Et subitement, il y a quelques semaines, alors que plus personne n'y pensait, et surtout pas Darzac, fiançailles. Oui. Mathilde aurait donc fini par accepter par lassitude. Bah, oui, mais voilà qui ne ressemble guère à l'image que je me fais d'elle. Et sinon, comment justifier, comment expliquer ce brusque revirement? Bon, dites donc, vous croyez qu'on va finir par arriver au Glandier? Mais bien sûr. Oh, bon, enfin, on voyait très bien le château tout à l'heure. C'est encore loin, ce truc? Nous arrivons, nous arrivons. Et ne me dites pas que vous êtes fatigué à votre âge. À mon âge, moi, vous en avez de bonnes, vous. Vous êtes encore presque un gamin, tandis que moi... Et vous, mon cher Sinclair, vous êtes dans la fleur de l'âge. Par parenthèse, vous voyez, hein, pour ce qui est de la poésie du langage, ma fleur de l'âge... Vaut bien votre qui ne demandait qu'à s'épanouir. Hein? Bon, allez, l'incident est clos. Joseph. VVV. Je pense subitement à quelque chose. Et à quoi donc, mon cher ami? Mais quand Robert et Mathilde seront mariés, à votre avis? Elle le suivra à Paris pour vivre chez son mari? Ça, alors, il me semble qu'il a été convenu que le couple viendrait s'installer au château du Glandier. C'est pour la place qu'il doit manquer, en effet. Darzac. Pauvre Darzac. Pauvre homme. D'abord amoureux béat. Ensuite amoureux éconduit. Et enfin amoureux récompensé. Et tout de suite sur les bords dangereux du veuvage. Ouais. Non, vraiment, tout ça est... C'est bien étrange. Je pense sincèrement que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Dites-moi, Joseph, les Stangerson ont des voisins? Enfin, il y a quand même bien des gens qui habitent aux alentours du Glandier, non? Je crains bien que non. Vous avez vu la carte comme moi. La situation du château est très nette. Et d'ici, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune localité dans les parages. Il n'y a pas le moindre lieu dit. Et d'ailleurs, le château du Glandier était inhabité depuis très longtemps quand les Stangerson, en rentrant d'Amérique, l'ont acheté. En fait, il faut aller chercher le plus proche voisin sur la route de Corbeil. Bah, dis-donc, ça fait une trotte. Eh oui, je pense bien, c'est l'auberge du donjon, là. Ah, ouais. Il faut compter également les deux ou trois maisons qui se trouvent à côté de l'auberge. C'est quand même incroyable. Je sais pas, mais un pareil désert alors qu'on est si près de Paris. Ah oui, ah, c'est un vrai désert. Ah, cette fois, on est arrivé. Oui. Et plus j'y réfléchis, et moins je trouve plausible une attaque par les malandrins. Ouais, ça je suis d'accord, l'hypothèse est absurde. Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sombre, inquiet. C'est la crainte de découvrir quelque chose d'horrible. Oh, allons. C'est la première fois que je vous vois comme ça. Sinclair? Ouais. Je suis bien content de vous avoir près de moi. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, deuxième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rez, Malène, Yves Penaud, De Marquet, Roger Carrel, et les voix de Michel Amiel et Georges Lucas. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Ces deux premiers épisodes du Mystère de la Chambre jaune ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 1er et 2 août 1983. Vous pourrez les réécouter en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.